Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal en langue française dont voici les titres. À Bujumbura s'est tenue la 14e réunion des ministres en charge des secteurs de transport, de l'énergie, des communications et télécommunications du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Le ministre burundais du commerce, Marie Chantal Ndjimbere, précise que des financements restent donc nécessaires pour mettre en place des infrastructures adéquates et cela le bien des communautés de la région. Désormais, les hôpitaux burundais vont être catégorisés en hôpitaux communautaires de districts nationaux suivant le nouveau découpage territorial administratif, annonce le ministre de la Santé publique, Dr Edwin Baradahana. C'était ce jeudi à l'hémicycle de Kigobe. Les interconsommateurs du courant électrique de la régie des zones dans le quartier Jabé, c'est en mairie de Bujumbura, se plaignent disant que leurs activités sont paralysées suite à une coupure du courant qui a duré près d'une semaine. Vous l'entendrez dans ce journal. Albin Douayo assure la mise en onde et Jean-Marie Mayonga à la présentation. Bienvenue. Ouvrons ce journal par la page commerce. Le COMESA a organisé ce vendredi à Bujumbura la 14e réunion des ministres en charge des secteurs de transport, de l'énergie, des communications et télécommunications au sein du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Dans un discours d'ouverture, le ministre burundais du commerce a indiqué que c'est une occasion de relever les défis qui hantent ces secteurs et adopter des recommandations relatives à l'insuffisance d'infrastructures spécialement liées au transport, constituant des défis qui hantent le développement des États du COMESA. Marie-Chantal Ndjimbere précise que des financements restent donc nécessaires pour mettre en place des infrastructures adéquates et cela le bien des communautés de la région. Suivez Marie-Chantal Ndjimbere. La mise en place des infrastructures suffisantes n'est pas un luxe, mais une nécessité qui doit soutenir activement la mise en œuvre réussie de la zone de libre-échange continentale africaine, qui doit stimuler la diversification industrielle dans nos États membres et qui doit renforcer les chaînes de valeur régionales naissantes qui sont vitales pour notre souveraineté économique collective. Il s'avère tout simplement crucial d'investir dans le domaine des infrastructures pour relever les multiples défis qui sont toujours relevés. Il est important alors de renforcer les initiatives qui vise à favoriser les échanges transfrontaliers de manière à garantir que chaque citoyen et chaque entreprise de notre région ait accès à des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins. Nous devons nous engager à supprimer les obstacles tant tarifaires et non tarifaires subsistants et à garantir l'ouverture du ciel à travers notre région. Si la vision est claire et les projets identifiés, le financement reste sans doute le principal obstacle à la pleine exploitation du potentiel de nos infrastructures. L'Afrique dans son ensemble est confrontée à un déficit annuel colossal en matière d'investissement dans les infrastructures. Actuellement, seuls 39% des financements destinés aux infrastructures en Afrique proviennent des gouvernements, le reste provenant des bailleurs de fonds, des institutions financières de développement et dans une proportion faible mais croissante d'investissements privés. Il apparaît donc clairement que le financement public seul, quel que soit l'engagement de nos gouvernements, reste insuffisant pour combler ce fossé colossal. Au cours d'une réunion de commission chargée de ces secteurs mercredi, il a été notamment soulevé qu'au sein des 21 États de cette communauté, le commerce est encore à 7%, la vision étant d'atteindre 25% en 2030. La nécessité notamment d'harmoniser les réglementations en vue de faire face à ces défis. Les conclusions seront connues et adoptées lors du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu en octobre cette année au Kenya. Les hôpitaux burundais vont désormais être catégorisés en hôpitaux communautaires de districts nationaux suivant le nouveau découpage territorial administratif, a indiqué le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida ce jeudi à l'hémicycle de Kigobe. Lors de la présentation d'un rapport d'audit définitif sur la gestion des hôpitaux de Karusi, Makamba, Bururi et Kibumbu, des élus du peuple ont suggéré que cela se base sur des critères tels la compétence du personnel et les infrastructures adéquates. Le point avec Mireille Kanyang. Certains des élus du peuple ont émis leurs inquiétudes vu que la Cour des comptes, dans son rapport sur la gestion des hôpitaux de Karusi, Bururi, Kibumbu et Makamba, n'ont pas de cadre légal les régissant. Le ministre de la Santé a ainsi précisé. Que les hôpitaux vont être catégorisés suivant le nouveau découpage territorial et qu'il y aura des hôpitaux communautaires, ceux de districts et nationaux. Avec ces éclairages du ministre de la Santé, des députés ont suggéré que cette catégorisation tienne compte des compétences du personnel et des capacités techniques. Ici, le docteur Lidwine Baradehana, ministre de la Santé, a précisé que le plateau des soins sera tenu en considération avec la nouvelle l'appellation des hôpitaux. Quant au programme en cours de construction des hôpitaux communaux, le ministre de la Santé a répondu que le dit programme continue et que ces hôpitaux seront des hôpitaux communautaires. Lors de cette séance de ce jeudi, elle a en outre annoncé la construction d'un centre national de référence en cancérologie à Zégué, en province Gitega. Mireille Kanyang, l'Ordre des pharmaciens d'Ibondi salue la mesure du ministre de la Santé de fermer 2700 pharmacies ne remplissent pas les normes. Serge Arindogo, président de cet ordre, indique que les efforts doivent être déployés dans le respect de la loi régissant le produit pharmaceutique, car elle est claire. Suivez-le. Nous encourageons les actions de son Excellence Madame le Ministre en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie au Burundi. En effet, nous avons depuis longtemps dénoncé l'exercice illégal de la pharmacie. Nous avons toujours montré que le médicament ne peut en aucune façon être considéré comme une marchandise comme les autres. Il ne peut pas être manipulé par n'importe qui parce que une fois mal utilisé, il peut devenir un poison. Il peut être dangereux pour la santé de la population. C'est pour cela que nous encourageons notre ministre à aller de l'avant. Selon vous, qu'est-ce qui manque pour l'éradication de ce phénomène qui persiste? Ce qui manque, c'est le respect de la loi. Il faut respecter la loi. La loi, elle est claire en la matière. Il faut lutter contre la corruption parce que je me dis, s'il y a un réseau parallèle, ça veut dire qu'il y a probablement corruption. Il faut donc respecter la loi, faire respecter la loi, éviter, traquer ces réseaux parallèles pour que la population n'en devienne pas victime. Ou consentir des efforts pour que seules les pharmacies qui remplissent les normes prestent. Il faut absolument aider ceux qui travaillent dans la légalité à prester. Ça évite les concurrences déloyales. Parce que s'il y a prolifération des boutiques de pharmacie, les vrais professionnels en souffrent. Son Excellence a parlé aussi des pharmacies, des hôpitaux et des centres de santé. Je pense que là aussi, il faut faire attention. On ne pourrait pas être à la fois prescripteur et dispensateur de médicaments. Il y a risque de colportage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prescripteur risque de délivrer ce qu'il a sans mettre en avant la pathologie. Il y en a beaucoup qui ouvrent les centres de santé privés et les cabinets médicaux dans le but principal de vendre le médicament. Le journal continue, page et société. La nommée Jeannine Wizeimana, originaire de la colline Kionza, commune Bugabira de la province Kirundo, est accusée de perturber une famille unie par voie légale de la colline Marambo, commune Rugombo, dans la province de Chibitoke. A été renvoyée par l'administrateur de la commune Rugombo, où elle est résidée. Une décision prise en date du 26 juin 2025. Le gouverneur de la province Chibitoke, Karem Wizoza, suspend la décision disant que chaque citoyen burundais a droit de s'installer n'importe où sur le territoire national selon la constitution du Burundi. Dans sa correspondance, le gouverneur de cette province signale également que l'accusé peut être poursuivi sur ses actes sans toutefois être privé de ses droits de s'établir librement. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Vous suivez la radio Isanganiro, le journal continue. Certains consommateurs du courant électrique et de la régie des eaux dans le quartier Jabé 2 à mairie de Bujumbura se plaignent disant que leurs activités sont paralysées suite à une coupure du courant qui a duré depuis près d'une semaine. Cela intervient alors qu'un incendie s'est récemment ravagé une maison dans cette localité. Ils expliquent qu'ils travaillent à perte et demandent aux autorités compétentes de trouver une solution à ce problème afin qu'ils puissent reprendre leurs activités. Le point avec Claude Itangishak. Ce sont certains habitants qui, dans leurs activités quotidiennes, utilisent le courant de la régie des eaux, qui déplorent pour des pertes énormes liées aux coupures du courant. Je fais le cafétéria. À côté de moi, il y a un agent, le Mikash, Banco Buinote, CCM. Les téléphones sont éteints. Donc, aucune activité. C'est-à-dire qu'on travaille à perte. Mais la ration, on ne peut pas en avoir. Nous, les boutiquiers, si un client vient pour chercher une boisson qui est froide, il ne peut pas la trouver à cause du problème de cette coupure de l'électricité. Tous demandent aux responsables de la régie de distribution d'eau et d'électricité de trouver une solution à ce problème. Qu'ils nous rétablissent le courant. Rien que ça. Puisque nous payons, puisque nous honorons les factures, et puis quand vous ne payez pas la facture, la facture de l'électricité, on vous coupe l'eau. Ce que nous demandons, c'est que ceux qui sont chargés de régler le problème qui concerne l'électricité, il faut voir comment on peut régler ce problème. Selon les informations recueillies sur place, une maison aurait pris feu ce lundi et serait liée à une surintensité, ce qui serait donc l'origine du manque de courant. Il demande à la régie des eaux de résoudre rapidement ce problème. Nous n'avons pas encore eu la réaction des responsables de cette société. Claude Itangishaka, page éducation, j'ai eu des résultats de fin d'année par certains parmi les enseignants bénévoles de la direction communale de l'éducation Rumonge. Ils réclament 3 mois d'impayés de frais de bénévolat. Au niveau de la DCE Rumonge, l'on informe faire tout leur mieux pour vider la question, appelant les enseignants concernés à remettre les fiches des points en attendant leur régularisation. Jean-Pierre Misago pour les détails. Certains parmi ces enseignants bénévoles qui ont décidé le gel des résultats de fin d'année comme moyen de pression pour obtenir le paiement des 3 mois d'impayés de frais de bénévolat décrochent leur téléphone portable s'ils sont contactés par leur directeur, mais répondent que la remise des fiches de points sera conditionnée par l'accréditation de leur compte de ces impayés. D'autres enseignants bénévoles ne décrochent même pas leur téléphone ou les ont carrément éteints, selon certains directeurs d'école contactés. Dans ces conditions, les directeurs d'école concernés disent être dans l'impossibilité de préciser à quand se tiendra la réunion de délibération. Ils peuvent seulement exiger la remise par ces enseignants bénévoles des bulletins scolaires s'ils sont titulaires de classe, en attendant la décision de la direction communale de l'éducation de Rumonge. Alors que la direction communale de l'éducation de Rumonge dit s'activer pour totaliser la somme nécessaire pour commencer ce paiement, Bénigne Ninunze, responsable de cette direction communale, demande à ses enseignants bénévoles de faire preuve de patience et remettre les fiches de points afin de permettre la délibération. Au début de l'année scolaire qui tend à sa fin, la commune Rumonge avait décidé la prise en charge de la totalité de ses frais. Mais à mi-parcours, la commune constatera que même les manuels scolaires et les bancs pupitres sont nécessaires pour relever ce secteur. Il a pour cela sollicité une petite contribution des parents par rapport aux frais auparavant exigés par les directeurs d'école, un changement dont la transmission aux parents a été difficile et certains même n'ont pas jusqu'à présent contribué, selon certains directeurs d'école. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. 20 addictions d'eau potable et 5 robinets aménagés, 26 autres réaménagés sont certaines des réalisations de la commune Makamba au cours du deuxième semestre de l'année budgétaire 2024-2025. Annoncé de l'administrateur de cette commune ce jeudi dans une réunion de la présentation des réalisations dans cette période. Certains des administratifs à la base ont signalé dans cette même réunion que les habitants de leur colline sont confrontés au manque d'eau potable et lui ont demandé de présenter cette situation à son successeur qui sera à la tête de la commune élargie de Makamba, Élisée Kwizer. Au cours de la réunion de la présentation des réalisations du deuxième semestre de l'année budgétaire 2024-2025, que l'administrateur de la commune Makamba, Zuena Irakiza, a animé ce jeudi à l'endroit de la population, certaines de ces réalisations présentées sont liées à la distribution d'eau potable et à la protection de l'environnement. Dans le domaine d'eau potable, 21 adduchons et 5 robinets ont été aménagés et 26 autres réaménagés. À côté de cela, il a été mis en place 30 comités pour assurer leur sécurité. Quant à l'environnement, plus de 682 000 plants d'arbres ont été plantés et les courbes de niveau tracées sur la distance de 105 km avec des herbes fixatrices pour les protéger. Malgré l'effort fourni pour la distribution d'eau potable, certains des administratifs à la base ont signalé dans cette même réunion que la population reste confrontée au manque d'eau potable sur la colline Kanzege et celle de la zone Nyange comme Ndago et autres. Ces administratifs demandent à l'administrateur communal de formuler ce problème lié au manque d'eau potable dans le rapport qu'il va dresser à son successeur si la chance ne lui sourit pas pour administrer la commune élargie de Makamba parmi les nouvelles institutions qui vont bientôt être mises en place. Signalons que dans cette même réunion était aussi invité l'agronome zonal de Nyange, Ferdinand Kabura, et celui-ci a formé la population sur place vers la fin de cette dite réunion comment greffer les plans d'avocatier de Haseluhere. De Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci à Élisée Kwizera. Et bien voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de nos programmes.